Vous êtes toujours à l'écoute de Bouquins et Confidences avec Julie Collin et José Marcotte. Allô? Bonjour. Donc, avant la pause, la courte pause qu'on a eue, on parlait de la révision linguistique parce que tu es réviseur. On parlait du style un peu que, dans le fond, tu n'as pas nécessairement à modifier, à moins qu'il y ait vraiment une entente avec le directeur, justement avec l'éditeur qui dit qu'il faudrait essayer de modifier telle chose. Puis ça, mais c'est vraiment des discussions que vous avez ensemble. C'est ça qu'on disait pas mal, oui, avant la pause. Tout à fait. Puis même des fois, il y a des éditeurs qui demandent de gommer certaines expressions québécoises. Par exemple, dans l'ouvrage, dans un roman qu'on va me donner à corriger, il va mentionner, il va dire, bon, ben, j'ai l'intention d'éventuellement publier cet ouvrage-là en France. Est-ce qu'il y a certaines expressions québécoises qu'on pourrait gommer? Bon, j'aime pas nécessairement procéder à cela, sauf que je vais le faire quand même pour l'éditeur, et puis on s'adapte. Par exemple, les expressions cellulaires, par exemple, on va utiliser ça beaucoup, nous, dans nos romans, parce que c'est une réalité québécoise, le cellulaire. Mais en France, ça va être plutôt de parler de téléphone ou de portable. Donc, ça va être certaines expressions comme ça qu'il faut être à l'affût pour les modifier dans les ouvrages, mais ça dépend beaucoup, beaucoup des directives de chacun des éditeurs ou chacune des éditrices. Puis toi, comment ça fonctionne, en fait, quand que tu reçois un manuscrit à réviser? C'est quoi tes outils de travail? Comment ça fonctionne concrètement, là? Ben, c'est beaucoup moi, ma cocologie, puis... OK, c'est que dans le fond, t'es une pro dans ta tête, t'as plein de règles de français que tu te souviens dans ta tête. Ah, mais je me souviens pas de tout, là. Ça prend des outils aussi, là. Il y a le multidictionnaire, il y a Antidote, des fois pour les anglicismes. Ben, les doubles espaces, ou souvent, plus souvent qu'autrement, je trouve ça pertinent d'utiliser Antidote pour, justement, quand c'est le temps de... Parce qu'en fait, je fais pas seulement la révision du texte, puis je vais faire la mise en page aussi. Donc là, il me manque un insécable à tel endroit ou des choses comme ça pour être sûr de ne rien laisser passer. Okay, c'est toi qui fais ça aussi, dans le fond, vraiment, oui, la mise en page de qu'est-ce que ça a de l'air dans le livre, finalement, quand on l'a dans les mains, il y a un travail qui a été fait pour que ça soit placé comme ça, finalement. Donc toi, tu t'en occupes d'une certaine façon de la maquette, si on veut? Bien, pas tant la maquette finale, mais de passer pour s'assurer qu'il n'y a pas de double espace, s'assurer que les marges sont placées au bon endroit, s'assurer qu'il y a des insécables au bon endroit pour ne pas se retrouver avec un deux points seul sur une ligne tout de suite, là, la ligne suivante. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais ça fait partie du travail de réviseur que j'offre, en tout cas. OK. Puis quand tu révises un manuscrit, est-ce que tu le lis plusieurs fois? Comment ça fonctionne, en fait? Est-ce que tu le reçois, tu le lis une première fois pour te donner une idée, puis après ça, tu commences à travailler dessus, ou tu y vas par étapes? Bien, il y a une première étape de révision entièrement, puis je le relis une deuxième fois aussi. Donc, je le révise deux fois. OK. Pour m'assurer, parce que des fois, plus souvent qu'autrement, la première fois, on a laissé passer certaines choses. Puis c'est vraiment important de réviser deux fois, puis c'est ce que je fais, c'est ce que j'offre. C'est ma façon de fonctionner. S'il y a des réviseurs qui sont capables de le faire nickel de la première fois, je fais pas partie de ces réviseurs-là, mais même si je mets tout mon bon vouloir là-dedans, c'est plutôt deux révisions qui permettent d'arriver à un produit fini vraiment bien corrigé, là. Puis quand tu révises, j'imagine que tu portes attention à toutes les lettres du mot. Contrairement à nous, quand on lit, l'œil décode un peu le cerveau, en fait. Puis il y a l'œil décode le mot. C'est pour ça que des fois, on va lire quelque chose, on va faire, ça n'a pas de bon sens, ce que je viens de dire. Ah non, c'est ça qui était écrit, mais c'est parce que notre cerveau il a compris que ces deux lettres-là, avec cette lettre-là, ça a l'air de tout ça. Toi, j'imagine qu'il faut vraiment que tu portes attention pour être certaine qu'on ne se trompe pas. Oui. Qu'il n'y ait pas de faute de frappe ou des choses comme ça, des affaires qu'on laisse toutes passer. Ça nous est tout déjà arrivé de faire des coquilles. Surtout, depuis qu'on écrit à l'ordinateur. Moi, je sais que quand j'écris à la main, maintenant, je me pose un peu plus de questions quand j'écris à la main, puis j'écris moins souvent à la main, mais n'empêche que j'y faisais beaucoup moins de fautes. Parce que maintenant, je fais des fautes d'inattention un peu. Oui, t'sais? Mettons, on va écrire « Cet homme est laid, L-A-I-T », tu sais, mais... Ça pourrait entre le T et le D, il y a tout un monde. Non, c'est ça. Des fois, c'est juste la lettre qui est à côté, ou c'est le clavier qu'on a accroché, ou des affaires comme « Tu veux écrire « part », mais t'écris pas ». Tu sais, des choses comme ça, des fois, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça change tout. Surtout dans un produit fini comme un livre, tu sais, un outil de qualité qui peut faire en sorte... Je sais pas pour toi, là, mais moi, quand je lis un livre et qu'il y a des fautes dedans, je les remarque. Tu sais, puis moi, ça me fait décrocher des fois. Tu sais, oui, ça fois... fait sortir de la fiction. Ouais, c'est ça, ça fait décrocher. Fait que là, c'est pas le but, tu sais, c'est pas de décrocher. Par le temps, l'erreur est humaine, mais c'est de trouver les façons, finalement, pour pallier à ça, aux erreurs qui peuvent arriver. C'est que toi, oui. Dans le fond, tu lis vraiment attentivement, doucement? Oui, attentivement, doucement, puis ça demande énormément de concentration, et c'est pourquoi également je vais le réviser deux fois pour m'assurer que toute erreur d'inattention a été relevée la deuxième fois, sinon la première. Puis mettons un manuscrit, je sais pas moi, de 200 pages, combien de temps ça peut prendre à peu près à réviser? Ça dépend des consignes, ça dépend s'il faut que je retravaille le style ou si que je soulève des éléments là, que je dois gommer pour le français plus international, je dirais. Ben à ce moment-là, pour un roman de 200 pages, ça peut prendre un bon mois. Un mois? Oui. À temps plein, genre? Non, à temps partiel. Moi, je dirais peut-être à raison de 20 heures, 20 heures semaine. Mais c'est à peu près 80 heures quand même là, que ça peut prendre pour... Oui. Oui, ben pour une très bonne révision, ça prend 60 à 80 heures, je dirais. OK, ça c'est quand même une moyenne à peu près, tout dépendamment des consignes justement, s'il y a vraiment beaucoup de travail à faire ou peu importe. Oui, oui, en ce qui me concerne. Oui. Mais ben, c'est ça, j'imagine que ça doit quand même se ressembler d'une personne à l'autre parce que vous voulez tous faire un travail de qualité aussi. J'imagine oui, que tu sais, puis c'est votre façon de gagner votre vie. Dans le fond, toi, t'es à ton compte. Oui, tout à fait. Donc, la façon de gagner ta vie, c'est d'offrir de la qualité, c'est ton nom, puis tout ça. C'est que j'imagine que c'est un peu la même chose aussi pour les autres. Chacun ses méthodes, mais j'imagine qu'il doit y avoir des constantes quand même d'une personne à l'autre, ou est-ce qu'on voit que... Oui, et puis c'est important de fournir un travail de qualité. Comme tu dis, c'est notre nom. On est des travailleurs autonomes, on est des professionnels dans le monde du livre, puis on veut offrir un travail de qualité à nos clients. Puis l'erreur est humaine, puis on en voit. Moi, ça arrive quand même pas régulièrement, mais ça, quand je vois une faute dans un livre, moi, je vais le dire à l'éditeur. Parce que je me dis, au cas où qu'il ne sache pas encore, puis s'il y a à faire une réimpression, puis tout ça, moi, j'aimerais ça qu'on me le dise. Oui. C'est le cas. C'est que moi, je me dis, si j'aimerais ça qu'on me le dise, ben moi, je vais le dire de mon côté. Je dirais pas, quelqu'un d'autre doit l'avoir dit déjà. Parce que si on se dit tout ça, ben ils le sauront jamais. T'sais. Oui. Fait que, absolument, je prends le temps de dire, hey, j'ai vu ça, je sais pas si tu le savais. Puis, c'est que je le dis un peu doucement comme ça. Mais c'est important quand même de faire justement un travail de qualité par rapport à la langue. Parce qu'en effet, on décroche. Ça, c'est plate. Oui. Tu sais, t'es en train de lire quelque chose, t'es vraiment dedans, là. T'es vraiment d'un personnage. T'imagines le monde, là, comme il est expliqué, là. Tout est fort dans le livre, mais là, il y a une faute. T'es comme, Puis là, on se fait rappeler que c'est du langage, que c'est un livre. C'est ça. Ça nous fait sortir de ça. Oui, vraiment. C'est que ça, c'est un peu dommage. Est-ce que tu as des rituels par rapport à quand tu révises? Est-ce que tu as des façons, justement, que tu te mets en contexte pour réviser? Tu disais que ça demandait beaucoup de concentration. Ouais. Est-ce que tu révises à partir de chez toi? Je révise à partir de chez moi, dans mon bureau. Et puis, moi, c'est surtout la musique. Okay. Qui me permet vraiment de me concentrer à la musique sans paroles ou s'il y a des paroles, ça va être des paroles que je ne comprends pas. C'est par exemple de la musique japonaise. Donc là, si ça chante dans une langue que je ne comprends pas, ça reste de la musique à mes oreilles. OK. C'est que là, dans le fond, tu écoutes la musique instrumentale pour pas que ça te déconcentre non plus. Oui, parce que si ça chantait dans une langue que je comprends, là, français, anglais, de l'italien ou quelque chose comme ça, là, j'aurais de la difficulté parce que c'est sûr que je serais sollicitée par d'autres mots que ceux sur lesquels je dois travailler. Oui, puis ça nous arrive ça, t'es en train d'écrire quelque chose, puis quelqu'un va dire quelque chose à côté de nous. Mettons, t'es au travail, quelqu'un nous dit quelque chose, puis on écrit l'affaire que la personne vient de dire à côté, mais pas à nous pantoute, ça pas rapport. Puis là, c'est parce que t'as dit le mot, j'ai pas le mot pain, là, je vais avoir écrit pain, puis c'était pas ça, pantoute que je voulais écrire. C'est qu'en effet, on est facile à déconcentrer. Au niveau de la révision, tu peux faire ça combien de temps de suite? Parce que tu disais, tantôt, l'écriture, tu fais des blocs d'à peu près une heure ou deux. Au niveau de la révision, ça peut ressembler à quoi, les blocs de travail? Pour la révision, je dirais un bloc vraiment performant, où je suis concentrée là, la plupart du temps, ça va tourner autour de 4 heures. Wow! Maximum. Mais c'est beaucoup, 4 heures? Ouais, ouais. Je pensais que ça serait moins que ça, moi. Ça peut être 2 blocs de 2 heures. Ça peut être 2 heures en matinée, 2 heures en après-midi, ou un bloc de 3 heures aussi. Ça dépend, mais dépasser ça, je risque d'en laisser passer. De là l'importance de la deuxième révision de l'ouvrage. Ben moi, je t'admire déjà beaucoup parce que, justement, 4 heures, c'est long, là. De demander ça à ton cerveau, vraiment d'être concentré sur quelque chose, puis c'est les yeux aussi se fatiguent à un moment donné, j'imagine. Là. Il y aura une fatigue oculaire. C'est que 4 heures. Oui. Wow! Ah non, t'es productive. T'es pas mal bonne. Oui, puis on est souvent devant des livres aussi, parce que même, on parle de fatigue oculaire. Là. Ça, des fois, ça peut être un problème, parce que souvent, mes activités aussi principales ou qui vont me divertir, ben c'est sûr que je vais lire ou je vais... c'est sûr que c'est très... On demande beaucoup à nos yeux. En tout cas, moi, je demande beaucoup aux miens. Ben ouais, moi aussi, puis moi, je fais pas de révision. Je fais autre chose, là, mais je fais pas ça. Mais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. En tout cas, je fais un peu de pouce là-dessus. T'as des révisions... T'as des suggestions à nous faire... De livres. Dans le fond, il y a des livres que tu as aimés. Parce que moi, je demande tout le temps ça à mes invités. Je demande tout le temps, est-ce que tu as des suggestions de livres à me faire? Même, je rencontre des gens dans les salons du livre. Là, puis là, je leur dis, qu'est-ce que tu me suggères? C'est comme si j'avais justement besoin d'augmenter ma pile. T'sais. Mais mettons que ça va être nos suggestions qu'on peut avoir pour nos auditeurs aussi, des lectures qu'on peut faire pendant l'été. Parce que l'émission régulière qu'il y a ici pour la littérature, elle fait une pause pour l'été. C'est les bouquins d'abord. Et c'est une pause pour l'été, donc c'est sûr qu'il y a moins de suggestions. C'est que là, j'ai demandé aux invités que je vais recevoir dans le cadre de Bouquins Confidences de nous faire quelques suggestions de lecture. Puis ça a fait aussi, ça nous montre, ça nous montre vraiment la personnalité aussi, je trouve, de la personne. Elle nous dit qu'est-ce qu'elle aime. On apprend à se connaître comme ça. Je trouve qu'on sait beaucoup de choses par rapport à la bibliothèque des gens. Oui. Oui, comme le garde-manger aussi. Oui, c'est vrai, t'as tout à fait raison. J'avoue, on peut apprendre des belles choses là-dedans. C'est comme, oh, tu manges du craft dinner, toi. Est-ce que t'as envie de nous parler d'une suggestion? De certaines. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup les ouvrages de Haruki Murakami. Donc, tout ce qui est en littérature japonaise, je dirais que Murakami, c'est un incontournable là, pour son écriture étrange, ses narrations proche de la réalité, mais en même temps qui flirte avec le fantastique. C'est vraiment des ouvrages qui viennent me chercher puis qui me touchent énormément. Donc, je dirais toute l'œuvre de Murakami, ça, ce serait un incontournable en ce qui me concerne. Okay. Aki Shimazaki aussi, qui est québécoise, une japonaise installée au Québec, qui est à Montréal. Toute son œuvre est vraiment, vraiment fascinante. C'est chacun de ses romans, là, c'est des courts romans qu'elle publie. Jamais ça dépasse 150 pages, mais ça nous fait voyager, là, c'est raconté d'une façon limpide, puis ça traite du Japon. Et puis à chaque fois, on se retrouve soit dans la campagne japonaise, à Tokyo, ou avec des histoires, des sagas familiales super intéressantes. Donc ces deux-là, le Murakami et Shimazaki, là, en ce qui concerne la littérature plus près du Japon. Murakami, c'est un auteur, entre autres, qui a écrit Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Oui. Est-ce que tu l'as lu, celui-là? Oui. Son essai sur... où il fait un parallèle entre la course à pied puis son métier d'écrivain. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce qu'il fait de la course vraiment de longue distance, assez intensément. Puis il parle justement de, comme auteur, toutes les heures qu'il peut passer à écrire, à quel point c'est difficile. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas lu. Mais je l'ai lu plusieurs fois, puis toutes les fois, je le vois un peu différemment. Parce que j'écris... pas comme toi, pas pour être publié puis tout ça, mais j'écris quand même. Mettons, j'écris plus du côté, toi, t'écris pour pas être publié, là, ton journal intime. Puis moi, j'écris quand même pas mal de cette façon-là aussi, plus personnel. Mais j'ai fait beaucoup de courses à pied aussi dans ma vie. C'est que je fais tout le temps des parallèles avec ça. Puis d'avoir lu ce livre-là, c'est spécial. Oui, c'est vraiment un ouvrage super intéressant là, par rapport au métier d'écrivain. Ouais. Là, ça, je le recommande chaudement. Là, c'est super inspirant. Super bon. Oui, vraiment, vraiment. Sinon, il y a un livre, toi, que tu m'as fait découvrir cette année. Oui. De Vengeance. Oui. C'est grâce à toi que j'ai découvert ça. Ah oui, De Vengeance, là, ça a été pour moi un véritable coup de cœur. Ça a été publié en 2017 chez L'Instant Même. C'est écrit par Julie Curtness. Moi, ça a été un premier coup de cœur. Je pense que c'est son premier roman. Hein? C'est son premier roman. Puis je dis, elle fait fort pour commencer. Là. C'est vraiment... c'est une voix d'une narratrice extrêmement... extrêmement déterminée, une voix forte, une voix de femme très dissonante par rapport à ce qu'on entend. Puis c'est vraiment un très, très bon roman contemporain que j'ai découvert là, ces dernières années. Là, ça a été un coup de cœur instantané. Ah, moi, j'ai lu la première page devant toi, en fait, quand que tu me l'avais proposé. Puis je me disais, wow, je veux lire ça. Ça te tenterait-tu de nous lire la première page, s'il te plaît? Oui, oui, ça me ferait super plaisir. Parce que vraiment, là, écouter ça, c'est... En tout cas, moi, c'est ça, la première page, j'étais conquise. Après ça, je me suis dit, ah oui, il faut que je lise ça. Après ça, je l'ai dévoré. On t'écoute. Présentation d'usage. Qui n'a pas déjà rêvé de tirer quelqu'un dans la face avec un fusil de chasse? Peu importe les raisons. Elles sont toutes bonnes, sur le coup. C'est quand elles demeurent bonnes longtemps que j'agis. Chaque jour, je regarde une meurtrière dans les yeux. Elle est là, de l'autre côté du miroir, qui est aussi mon côté, mais vu à l'envers. Je suis une meurtrière. Ce visage est le mien. Mon visage est celui d'une meurtrière. Voilà. Je sais ce à quoi une meurtrière ressemble. Salut! J'énonce ma phrase en me regardant dans les yeux, les mains appuyées sur le bord du lavabo. Je suis une meurtrière. Ma version de « t'es belle, t'es fine, t'es capable ». Mes lèvres bougent et selon ce que je prononce, quelques dents apparaissent. On les voit aussi quand je souris. Je prononce lentement, dans ma tête ou tout bas. Je prends parfois un risque et je le dis sur un ton normal, plus fort. J'aime entendre ma voix. Son murmure dans mon appartement silencieux, qui s'échappe de la salle de bain et meurt dans le bourdonnement électrique des murs. J'écoute les clics irréguliers des calorifères qui chauffent, indifférent à ma situation. Je le dis aussi parce que j'ai un peu peur de l'oublier. La vie peut être douce, et je prends des pauses. Sérieusement, c'est tellement hot. Ah, vraiment? Vraiment. Puis tout le livre, vraiment... Tu sais, c'est ça, tu le lis, puis il y a des moments comme ça, comme tantôt, tu sais, « Allô, j'ai ri », tu sais, parce qu'il y a des moments où on rit, même sans fait, tu sais, c'est sûr, c'est une meurtrière, c'est que c'est pas un sujet qui est drôle, mais en même temps, la façon qui est apportée avec le ton par la narratrice, ça amène de l'humour. Ça me faisait penser un peu, c'est un autre genre, mais David Goudreau avec « La bête ». Oui. Est-ce que tu as lu cette série-là, la trilogie de la bête? Non, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai entendu beaucoup parler. Puis, c'est ça, c'est un bel humour noir. C'est ça, c'est que là, des fois, tu ris, puis tu es comme un peu... tu es un peu sale de rire de ça, parce que comme, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Oui, c'est savoureusement malaisant. C'est ça. C'est que tu es un peu mal, puis en même temps, tu es comme, genre, waouh, c'est audacieux. C'est que là, c'est ça, j'aime ça, moi, sortir un peu de... des choses que je lis souvent. Tu sais, j'aime ça lire quelque chose que je me dis, hey, j'ai jamais lu quelque chose qui ressemble à ça. Oui. Une narratrice comme ça, moi, j'en connais pas. Oui, puis de Vengeance, là, vraiment, ça nous offre sur un plateau d'argent une narratrice vraiment hors norme, un point de vue d'une meurtrière, bien sûr, mais de toute la complexité d'une femme aussi en même temps. Donc, c'est vraiment intéressant comme ouvrage. Une super belle voix de narratrice. Est-ce que tu as une autre suggestion pour nous? Si on reste dans les voix de narratrice fortes, personnellement, dans les dernières années, moi, j'ai adoré même « Martel en tête » de Éric Simard. Parce que justement, la narratrice aussi, c'est une voix dissonante, c'est une voix forte, c'est... un peu psychopathe sur les bords, un peu comme la narratrice de Vengeance, anonyme à sa façon, mais qui va prendre sa revanche sur le monde à sa propre façon. Donc le monde peut décevoir, on souhaite peut-être prendre notre revanche sur le monde, mais de différentes façons. Des fois, l'excès peut être condamnable, comme on peut le voir dans De Vengeance. Mais je dirais que Martel en tête, là, dans les voix de narratrice exceptionnelle dans les dernières années, là, c'est publié chez AMAC. Okay. Puis j'ai adoré ça. Ça a été publié en 2017, tout comme De Vengeance, d'ailleurs. Là. C'est deux ouvrages là, incontournables, je pense, de l'année 2017 dans la littérature québécoise contemporaine. Wow! En tout cas, moi, depuis que j'ai lu De Vengeance, tu peux me faire toutes les suggestions que tu veux pour les prendre. Non, sérieusement, tu sais, des fois, des gens qui te recommandent des livres, là, tu te dis, OK, je vais essayer, puis tout ça, mais un coup que tu as trouvé la personne qui te recommande quelque chose, ça, c'est comme, la confiance, elle est là, là. Tu peux me recommander tout ce que tu veux, là. Ah, ben ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, tu sais, ça nous ouvre les horizons, puis tout ça. Hey, je reviens un petit peu, là, j'ai comme bifurqué vers les suggestions de lecture, parce que de toute façon, on était pour en parler, mais moi, j'ai lu dernièrement un essai de Jean-Pierre Leroux qui s'appelle « Le gardien de la norme ». C'est quelqu'un qui a été réviseur pendant 40 ans. Beaucoup, entre autres, aux éditions du Boréal. Puis ça, il a fait vraiment là, des grands noms. il, vraiment, c'est le réviseur attitré à plein de gens. Là. Les gens se battaient pour l'avoir. Là. C'était vraiment c'était quelqu'un de super renommé. Puis il y a quelque chose qu'il disait dans son livre, parce qu'il partage plein de moments par rapport justement à la révision. Puis entre autres, il disait que lui, il avait révisé une fois un livre qui n'était pas... Un manuscrit qui n'avait pas encore été soumis à des éditeurs. Il disait qu'il avait soumis un livre comme ça pour le... il avait révisé le livre qui n'avait pas été encore soumis parce que le plan, c'était comme de le préparer pour qu'il y ait moins de travail à faire après. C'est un peu ça qu'il y avait dans la tête de l'auteur. Toi, est-ce que tu révises des livres avant qu'ils se retrouvent dans l'éditeur? Mettons, quelqu'un, un auteur te dit hey, « j'aimerais ça que tu révises mon livre. » Est-ce que c'est de la révision, ça? Comment ça fonctionne? En ce qui me concerne, moi, c'est plutôt, je fais affaire directement avec l'éditeur. Donc, je viens plus tard dans le processus éditorial. C'est sûr que si j'avais des amis auteurs qui me refilaient leur ouvrage, puis que qui ont déjà du métier, puis que le but, ce serait de le réviser pour le remettre à l'éditeur, puis même s'ils me demandaient une direction littéraire, moi, ça me ferait super plaisir de le faire. La direction aussi, littéraire, là. C'est quoi? La direction littéraire, ça va être vérifier le récit. C'est s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence dans le récit. Comme on parlait tout à l'heure là, avec Ikikomori, qu'on aura tranché des pages pour que le rythme soit plus soutenu. Des choses comme ça. Donc, on peut assurer une bonne direction littéraire selon le projet pour être le plus fidèle possible à la vision de l'auteur. C'est sûr qu'il y aurait des genres où je serais moins à l'aise, je dirais. Roman contemporain, ça irait bien, mais si j'étais dans quelque chose de beaucoup plus pointu, par exemple le roman policier, que je connais quand même très peu, faire de la direction littéraire pour quelqu'un qui aurait écrit un roman policier, probablement que là, ce serait davantage de la révision linguistique, puis vérifier s'il y a des incohérences dans le récit, s'assurer que tout est cohérent, puis que ce qui est écrit à la page 120 ne contredit pas ce qui est écrit à la page 22. Donc, ce type de travail-là. C'est ça, j'arrive plus tard, moi, dans le processus éditorial d'un ouvrage. La direction littéraire est déjà faite avec l'éditeur qui me demande de réviser son ouvrage. Est-ce que ça arrive des fois que tu fais la simili, un peu semi-direction littéraire, dans le sens que des fois tu peux te rendre compte de choses en révisant? Dans le sens que ton mandat, c'est vraiment, bien, regarde, fais la révision linguistique vraiment de base, là, mettons, et tu découvres des choses, t'es comme, ben ça n'a pas de bon sens, t'as dit le contraire là-bas, il y a telle affaire qui est incohérente, ou le narrateur, il parle de cette façon-là, puis finalement, le narrateur, il est plus cohérent, il parle de cette façon-là. Moi, quand je le reçois, ouais. Quand je lis... comme première lectrice, finalement, je le vois, puis oh, ça arrive-tu, ça, des fois, qu'il faut que tu ramènes des choses qui n'étaient pas dans ton mandat? Bien, moi, je le fais. Je sais pas pour les autres réviseurs, mais moi, c'est quelque chose que, quand je rencontre une incohérence dans le récit ou qu'il y a quoi que ce soit qui accroche ou qui pourrait être amélioré, ou quand c'est toujours constructif, c'est sûr que je vais le mentionner à l'éditeur, même si ça n'a pas été mon mandat principal. Des fois, on va me demander aussi de faire un peu de direction littéraire selon la maison d'édition. Puis ça, j'adore ça, faire ça. Donc ça, je vais accepter avec plaisir. Mais même si on ne me le demande pas, c'est sûr que en lisant attentivement l'ouvrage, comme tu disais tantôt, moi, j'aurais aimé ça qu'on me le dise, ben je fonctionne de cette façon-là aussi. Non, ça, tu dis pas, ah, ben ça, c'est pas ma job, ça, c'est la job de telle personne, donc je m'en mêle pas. Tu oses, dans le fond, proposer, parce que t'es beaucoup en mode proposition, finalement, quand tu fais de la révision aussi. Oui. T'imposes pas des choses. J'imagine que c'est ça, tu proposes, puis après ça, ben le directeur, justement, littéraire, il va regarder avec l'auteur. C'est un peu de la même façon que toi, si tu dis, ben je sens une incohérence. Les autres, ça leur allume une petite lumière, mais ils ne sont pas obligés de l'accepter, finalement. Tout à fait. Tout à fait. C'est plutôt d'y aller en proposition. OK. Puis, moi, là, c'est vraiment intéressant parce que c'est toutes des choses qu'on se pose... Bien, c'est vraiment ça que je veux faire avec l'émission cet été. C'est toutes des choses qu'on n'imagine pas quand on regarde un livre. On n'imagine pas qu'est-ce que c'est. Comme moi, ça m'a surpris que tu dises que ça prend à peu près 80 heures faire la révision d'un livre. Puis, tu sais, on a parlé à peu près de 200 pages. Tu sais, un roman de 200 pages, là, c'est pas une brique, là. Tu sais, on s'entend que des fois, il doit y avoir des affaires qui sont vraiment plus compliquées. Puis c'est intéressant aussi que tu dises qu'il y a des styles aussi que tu connais plus, surtout par rapport à la direction littéraire, comme tu disais. Mais j'imagine que si tu faisais la révision linguistique d'un livre justement plus policier, ben tu pourrais moins voir les incohérences. Ben je pourrais voir des incohérences dans le récit, mais n'étant pas spécialiste... Ouais. de policier ou de science-fiction, par exemple, peut-être qu'il y a certaines références. Si, par exemple, l'auteur fait référence à... il fait de l'intertextualité avec un ouvrage, je sais pas moi, de George Orwell ou une référence que je vois vraiment pas, ça peut faire que je vais laisser passer des choses. Mm-hmm. Je ne serai pas le public cible. OK. Mais le résultat final va être que s'il y a une incohérence dans le récit, je vais quand même le voir. T'sais, si tel personnage dit une chose à une page puis il dit pas la même chose à l'autre, ou ce type d'incohérence-là, c'est plus facile à relever. Et bien sûr, de corriger les fautes. Parce que des fois, tu fais de la recherche même pour corriger. Dans le sens que, mettons... moi, je sais, l'autre fois, j'ai lu quelque chose où est-ce que ça parlait des ponts dans une ville, puis ça disait qu'il y en avait, mettons, 3, mais en fait, il y en a 4. T'sais, là, je donne l'exemple un peu flou, là, mais c'est ça, pareil, il y avait pas... Il y avait une faute dedans. Est-ce que c'est le genre d'affaire que toi, tu vas vérifier? Oui, puis c'est okay. Pour ça aussi, des fois, que ça peut être long. Par exemple, on va vérifier aussi les URL, les liens hypertextes. Ah oui, OK, oui, c'est vrai. Hein? Fait qu'il faut s'assurer que tout est cohérent dans le livre. Donc, même si c'est les hyperliens, il faut les vérifier pour s'assurer qu'ils dirigent vraiment quelque part. Donc, si c'est un essai scientifique, que ce soit du roman ou de l'essai scientifique, ben il faut que s'il y a un hyperlien quelque part, il faut qu'il mène quelque part, effectivement. Hey, ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment qu'on se laisse... Ah ben ça a passé vite. Ça a passé vite, hein, ça n'a pas d'allure. C'est que, ben merci beaucoup, Josée Marcotte. Toutes les informations sont disponibles sur le site web julielioli.com. C'est que je vous laisse au bon soin de les saints patrons de l'Acouphène. Bonne soirée.